De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Samuel Lauzon au microphone, et pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Denise Souzignan. Bonjour Denise. Bonjour Samuel. D'entrée de jeu, je dois vous faire une petite précision. Denise et moi, on se connaît bien, hein, puisque nous travaillons ensemble quotidiennement. Denise est éditrice scientifique, c'est-à-dire que son travail là, consiste à l'édition des collections scientifiques, mémoires, notes de recherche, avis de technique. Elle fait de la révision linguistique de textes scientifiques en français et en anglais. Avant de se consacrer à l'édition, Denise était conseillère scientifique et chercheuse experte pendant près de 20 ans, en accumulant ainsi là une expérience considérable. Bref, Denise, c'est une source d'informations intéressables, autant d'un point de vue linguistique que scientifique. Personnellement, j'apprends tous les jours en travaillant avec elle. C'est vraiment un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui à l'émission. Merci. Toutefois, si je la reçois aujourd'hui, c'est pour parler de son rôle de rédactrice en chef de la revue Le Naturaliste canadien. Donc, Le Naturaliste canadien, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Pour les auditeurs là, qui seraient moins là, qui connaîtraient moins la revue Le Naturaliste canadien, pourriez-vous nous décrire c'est quoi Le Naturaliste canadien? Ça se situe où là par rapport à des revues plus connues comme par exemple là, de vulgarisation scientifique comme Québec Science ou d'autres revues là scientifiques comme Nature ou Science? Ben, Le Naturaliste canadien, c'est une revue savante qui diffuse des connaissances dans les domaines des sciences naturelles et de l'environnement, en français. Puis, on publie donc des articles portant sur des sujets aussi qui sont d'intérêt pour l'Amérique du Nord, principalement okay. Le Québec. La revue a été fondée en 1868 okay, par l'abbé Léon Provencher. Donc, oui, elle a un beau vécu. En fait, c'est la plus ancienne revue savante francophone consacrée aux sciences naturelles en Amérique du Nord. Oh, c'est pas rien, hein? On est très fiers de cette belle continuité dans le temps. Les revues de vulgarisation scientifique comme Québec Science visent pas forcément à diffuser, à être la première voie de diffusion en primeur là, des résultats originaux de recherche. Mm-hmm. Il vise plutôt à rendre les connaissances accessibles à un public très large et non spécialisé. Fait que le contenu est souvent simplifié, le message est canalisé là, sans mettre l'accent sur la méthode scientifique précise, détaillée, ni les analyses statistiques et tout ça. Dans le cas des revues savantes comme Le Naturaliste canadien et des centaines d'autres dans le monde, en fait, il publie des articles qu'on appelle des catégories qu'on appelle articles scientifiques dont le contenu, en fait, il doit être suffisamment détaillé pour relater une expérience scientifique ou des travaux d'analyse scientifique pour permettre à quelqu'un qui voudrait de reproduire ces travaux-là en termes de niveau de détail. Puis, en plus, ces articles-là sont révisés par les pairs, suivant un processus très comparable. Quand on parle de révision par les pairs, là, c'est que les articles sont soumis par les auteurs, qui sont généralement des chercheurs ou des chercheuses, puis sont examinés successivement par l'équipe de la revue, qui vont ensuite solliciter plusieurs experts qui vont commenter et critiquer la qualité scientifique du travail en arrière, pour s'assurer que la démarche scientifique est rigoureuse, que les méthodes d'échantillonnage et que celles d'analyse de données sont adéquates, puis que les résultats sont interprétés correctement. Puis avant que l'article soit accepté pour publication de façon définitive, la très grande majorité des fois, les auteurs doivent faire des corrections pour répondre aux commentaires des réviseurs avant que ça soit accepté. Donc, tout ça vise à garantir la qualité scientifique, à valider la qualité scientifique du travail qui est publié par les revues scientifiques, les revues savantes. Fait que Le Naturaliste canadien a un tel processus et donc se définit comme une revue savante pour se mettre en relation avec des revues de calibre comme Nature ou Science. C'est sûr que on n'a pas les mêmes objectifs ni le même public parce que y a la plupart, en fait, les revues scientifiques anglophones qui ont une visée internationale, ben vont publier des articles sur des différents sujets, ouais, ouais, en ayant cette visée-là. Tandis que le Naturaliste canadien se veut une vitrine pour les sciences naturelles et l'environnement, principalement au Québec et en Amérique du Nord. Donc, à cause de ça, puis du fait qu'on publie aussi nos articles en français, on a une niche particulière, unique, là, qui est différente de celle d'autres revues scientifiques qui se définissent plutôt comme étant international et qui publient donc en anglais. On a des objectifs puis un lectorat qui est un peu différent. Dans le fond, je comprends bien. C'est une revue en français qui a une longue histoire. La première revue scientifique, revue par les pairs. J'aimerais ça justement que tu m'expliques. Est-ce que ça a toujours été revue par les pairs? Ça a-tu toujours eu la même portée? C'est quoi l'histoire un peu du Naturaliste canadien? C'est sûr que j'ai pas tout vu passer. Toute l'histoire. Ouais. Parce qu'effectivement, l'histoire du Naturaliste canadien remonte au 19e siècle. C'est en décembre 1868 là, que l'abbé Léon Provencher a fait une première livraison du Naturaliste canadien. Puis là, à ce moment-là, il définissait comme une revue scientifique et de vulgarisation. Okay. Mais même à cette époque-là, c'est sûr que la notion de révision par les pairs était pas évolué dans le temps. Puis on parlait pas nécessairement de la même chose. Mais il a, au début, c'était même c'était lui-même qui écrivait la grande majorité du contenu. C'était des fois de la vulgarisation, à proprement dite, pour expliquer certaines choses. Mm-hmm. Puis d'autres fois, où il faisait état de ses propres travaux, là. Il y a eu notamment des études sur les insectes et sur les mollusques, là. Il était un scientifique, mais il était aussi un grand communicateur. Mm-hmm. Puis au début, c'était un petit peu des deux. L'organisation de la revue, souvent, pour aller chercher des abonnements, ils allaient publier des articles sur plusieurs numéros pour en garder l'envie de continuer là auprès des lecteurs. Fait que ça, c'est fin du 19e siècle. Après ça, il y a eu, à son décès, éventuellement, il y a Victor Alphonse Huard, qui est un autre religieux, qui a pris la revue. Là, ça se voulait moins technique, ça visait davantage la vulgarisation. Mm-hmm, okay. Éventuellement, il y a quand même eu l'ajout de plusieurs collaborateurs, donc c'était une autre époque dans le cheminement de la revue. En 1929, à l'approche du décès du chanoine Victor Alphonse Huard, la revue a été transférée à l'Université Laval. L'objectif a été que le contenu soit uniquement scientifique. Du contenu original, inédit, là, scientifique. OK. Plus proche un peu de ce que c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Fait que de 1929 jusque dans les années 90. Avec différents aléas, il y a eu même eu des périodes où il y avait des contenus en anglais qui ont été publiés. Je pourrais plus dire les dates par cœur, mais il y a eu, selon qui pilotait la revue, il y a eu des choses qui se sont essayées et conservées ou pas. Par contre, dans les années 80, il y a comme eu une crise d'identité, des difficultés majeures vécues par la revue à ce moment-là, notamment par rapport au financement, puis avec l'avènement de beaucoup, beaucoup d'autres revues scientifiques dans le paysage. Il y a comme eu une petite crise à la fois économique et identitaire de la revue. L'adolescence. Ça a été un peu difficile. Ben, adolescence. Non, je fais une blague. Ça fait un petit bout qui était. Mais oui, ça a été une période difficile. Ouais. Et en 1994, l'Université Laval a décidé de laisser la revue. C'est la Société Provencher d'histoire naturelle du Québec. Encore Monsieur Provencher, qui a repris la revue. La Société d'histoire Provencher, c'est un organisme qui a pour mission, puis qui a aussi une longue histoire. Il a été fondé en 1919. Mais c'était une société qui a pour mission de contribuer à la conservation de la nature avec des axes d'intervention en protection et en gestion de milieux naturels, en éducation et en diffusion des connaissances. Et c'est là que le Naturaliste canadien ça rimait avec la mission de la société. À partir de là, c'est la Société Provencher qui a adopté le Naturaliste canadien dans un dans un intérêt de continuité avec l'œuvre de l'abbé Provencher aussi. Puis c'est devenu l'organe de liaison officiel de la société avec ses membres. Okay. Fait qu'il s'est comme rajouté un aspect de fonctionnement avec certaines rubriques. Le contenu demeurait scientifique, ouais, ouais. Mais il y a eu des rubriques plus vulgarisées, okay. comme la vie de la société Provencher, mm-hmm. des événements qui étaient relatés. Saviez-vous que pour certains événements d'actualité relatives à l'environnement ou qui touchaient de près ou de loin la société? Puis à cette époque-là, la revue s'est bâtie autour d'un bureau de direction de quelques membres. Et la révision par les pairs à cette époque-là était principalement faite par ce noyau-là et ou quelques collaborateurs proches. Okay. Fait que c'était pas tout à fait ce qu'on connaît maintenant. Mais depuis ce temps, ce qui est important aussi, ce que je tiens à mentionner, c'est que la revue a fonctionné très, très largement sur la base d'une fantastique équipe de bénévoles. Okay. Parce que j'ai être rédactrice en chef, j'ai une trentaine de personnes derrière moi qui me prêtent un fier coup de main, puis sans lequel la revue n'existerait plus. D'accord. Ça, c'est pour le naturaliste canadien. Et la société Provencher, dans un sens plus large, fonctionne un peu sur le même modèle. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de passionnés qui s'impliquent, qui investissent beaucoup de leur talent, de leur expertise dans cette grande aventure. Ah, c'est bien. Puis, en 2012, elle a fait son entrée sur le portail Érudit, qui okay, est un ouais, portail ouais. électronique sur Internet de diffusion des connaissances, mm-hmm. Qui est québécois, qui est piloté par les universités, un consortium d'universités québécoises. Ouais. Puis, donc, la revue, c'est un peu notre passage officiel dans la cour des grands, je pourrais dire, parce que pour avoir accès à Érudit, il fallait vraiment... faire preuve qu'on avait des pratiques d'édition scientifique qui répondaient à des critères standards. Oui. Et également, donc, en termes d'originalité scientifique du contenu, en termes de processus de révision par les pairs, il fallait vraiment répondre aux normes. Donc, il y a eu plusieurs bonifications qui se sont faites à ce moment-là. Mais l'avantage de ça, c'est que sur Érudit, ben les articles sont référencés, sont indexés, mm-hmm. sont archivés de façon pérenne, donc ils demeurent accessibles à la planète entière depuis ce temps-là. Donc c'est un gros plus là, pour la revue comme telle, et ça a fait beaucoup augmenter le rayonnement et le lectorat de la revue. Là. Okay. Maintenant, ah ouais. nos articles, il y a plus de 73 000 fichiers d'articles qui sont du naturaliste canadien qui sont téléchargés annuellement par l'entremise de cette plateforme. Fait qu'il y a quand même une belle évolution là entre le début qui était comme des feuilletons si on veut là jusqu'à une revue estimée puis diffusée là. Ouais, puis ça s'est continué là parce que en 2014, on a mis en place pour encore mieux consolider le processus de révision par les pairs, on s'est recruté une équipe d'une dizaine de rédacteurs adjoints spécialisés dans les différentes disciplines de sciences naturelles, entomologie, botanique, ornithologie, milieu aquatique. On en a 10. OK, ah, comme ben ça. C'est... Ouais, vraiment. Donc là, vraiment, on est capable d'aller, selon les sujets des articles, on est capable d'aller chercher vraiment une expertise là. L'évaluation est pilotée par des experts dans chacune des disciplines qui vont chercher d'autres experts pour les aider à commenter le contenu. Donc ça, ça a vraiment été un plus pour ce qui est de la profondeur de l'évaluation des commentaires qui sont émis, puis au niveau de la crédibilité scientifique de l'ensemble de la revue. Puis l'autre gros jalon qu'on a vécu en 2000, c'est qu'on a abandonné complètement la production papier. Papier, OK. Donc là, la revue n'existe plus qu'en format électronique. Électronique. C'était pour des raisons de toutes sortes. Il y avait une question de coût. Mm-hmm. Les coûts d'impression, les coûts d'envoi par la poste, ça représentait une grosse part du budget. Puis ça, et en même temps, on se rendait compte que sur le rayonnement total de la revue, la forme électronique avait beaucoup plus de potentiel. Okay. Mais ça nous a rajouté beaucoup de flexibilité sur le plan du calendrier de production, sur le plan du nombre de pages, pages en guillemets. Quand on est des PDF, c'est moins. Ça, la notion d'avoir un certain nombre de pages pour fermer un numéro était différent. Puis on a commencé à faire, on fait encore deux numéros par année, mais chaque numéro maintenant est publié en plusieurs tranches, deux ou trois morceaux. Okay. Ce qui permet de réduire le délai entre le moment où l'article est accepté mm-hmm. pour publication puis le moment où il est effectivement diffusé. Mais j'étais curieux de savoir, tu nous as parlé au niveau reconnu là internationalement, puis que dans le fond, naturaliste canadien venait jouer dans cette cour-là, là, dans la cour des grands, si on veut, contrairement peut-être à des revues qui sont de la vulgarisation scientifique, qui sont aussi dans la cour des grands, mais dans une autre cour, si on veut. Mais je serais curieux, là, parce que le temps avance quand même assez rapidement, je serais curieux de savoir, mais pourquoi cette volonté-là, de publier en français, tu sais, je me dis, ça sera peut-être plus facile de publier en anglais ou de suivre, ben ouais, c'est ça, pourquoi? Effectivement, c'est à la fois une caractéristique unique qui nous avantage à certains points, mais qui peut aussi être considéré comme un inconvénient par certains. À l'échelle mondiale, il y a vraiment une dominance de l'anglais dans la publication scientifique, ça, c'est clair, mais les revues internationales vont également prioriser la publication d'articles portant sur des sujets à portée internationale. Okay, ouais. Puis l'examen de sujets à l'échelle planétaire, mm-hmm, mm-hmm. par exemple les changements climatiques à l'échelle du monde. Par contre, si on avait, c'est pas nécessairement le meilleur exemple, mais c'en est un théorique, hypothétique, là, oui, oui. quelqu'un qui ferait l'étude des changements climatiques sur une espèce au Québec pour qu'on voit les retombées locales ou régionales de ce côté-là, mm-hmm. ben c'est tout à fait pertinent comme information, oui, mais ça va peut-être pas intéresser les revues internationales de la même manière. Oui, oui. Donc le fait que la tendance lourde vers l'anglais peut amener des fois qu'on va occulter ou qu'on va camoufler ou aborder de façon très générale des problèmes complexes puis des enjeux qui sont plus régionaux ou propres à des minorités mm-hmm. Ou propres à des... En sciences naturelles, c'est moins le cas, mais pour d'autres revues savantes qui publient et qui s'obstinent oui. à publier en français, il y en a des réalités propres à des minorités linguistiques. Ça vaut pour le français, ça vaut pour l'espagnol, pour le portugais, pour toute autre langue minoritaire par rapport à l'anglais. Ça a vraiment un lien dans le fond un peu social dans le sens que ça vient rechercher les gens qui parlent cette langue-là sur ce territoire-là, ben vont être intéressés d'avoir des informations locales, si on veut, sur qui les concernent beaucoup plus directement, qui vont représenter ou s'attaquer à des réalités qui les touchent vraiment d'encore plus près. Ça veut pas dire qu'un article qui porte sur qui fait une analyse planétaire est pas pertinent, oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a de la place pour les deux. Mm-hmm. Puis c'est un peu pour ça qu'on tient à ça. Il y a une question de vraiment valoriser les travaux qui se font ici. Puis une autre chose, c'est que ça, le fait de publier en français, ça rend la science disponible aux utilisateurs francophones de façon beaucoup plus directe que s'ils doivent trouver un article scientifique en anglais, le traduire malgré les outils automatiques dont on dispose. Si c'est écrit généralement par des francophones, mais pour des francophones, il y a des choses qui vont passer de façon plus directe. Ouais, ouais. Puis on y croit beaucoup. On n'est pas les seuls à y croire, d'ailleurs. Scientifique en chef du Québec, donc qui pilote les fonds de recherche du Québec, l'ACFAS, Érudit, beaucoup d'organismes se préoccupent vraiment de la place du français au Québec ou de la place d'autres organismes plus internationaux, là, de langue minoritaire par rapport à l'anglais en publication scientifique. Puis, il y a 2 ans, le scientifique en chef a lancé des prix de publication en français pour encourager les chercheurs à publier des articles en français. En passant, on est très content. Le naturaliste canadien, depuis l'instauration de ces prix-là, il y a 2 ans, ça fait 7 articles du naturaliste canadien qui reçoivent des prix de la part du fonds de recherche FRQNT, Fonds de recherche du Québec Nature Technologie. Okay. Mais c'est ça, c'est important pour refléter la particularité d'une région, d'être capable de décrire, d'avoir un canal pour décrire les réalités de cette région-là. Oui, tout à fait, je comprends. Puis, il y a, tu sais, on parle beaucoup de la diminution du français, mettons, sur l'île de Montréal, tu sais, qui, s'il y a une perte à ce niveau-là, elle est aussi, tu sais, c'est pour la défense du français aussi. Il n'y a pas juste la langue parlée, mais aussi la langue savante ou réfléchie, de la façon qu'on pense, j'imagine, qui vient jouer là-dessus. Là. On a des universités francophones, on a des organismes de recherche gouvernementaux ou indépendants qui sont francophones. Ça serait un peu, ça serait très triste de dire qu'il faut forcément, pour écrire de la science, qu'on soit obligé d'écrire en anglais. Oui, il y a un volet porté international, mais la pertinence de s'adresser directement à un lectorat d'utilisateurs pas forcément de la vulgarisation là, mais des gens qui vont directement utiliser la carte ou le tableau ou les chiffres qu'on veut diffuser au Québec. Oui. Là, ce sont majoritairement des francophones. Ouais, ouais. Donc c'est ça. Hey, ben, ça va vraiment vite, Denise. On est déjà rendu à la fin. Je remercie beaucoup là d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que mon invité était Denise Tousignant, rédactrice en chef de la revue Le Naturaliste canadien. Nous mettrons sur notre page Facebook là, le lien vers Le Naturaliste canadien. Aussi, vous pourrez avoir accès gratuitement là aux parutions antérieures d'un an, c'est ça? Oui, tout ce qui est... le contenu de 12 mois et moins... donc, les deux derniers numéros sont réservés aux abonnés individuels institutionnels, donc les membres de la Société Provencher ou les cégeps, universités et autres bibliothèques qui s'abonnent. Mais au-delà d'un an, tout le contenu du Naturaliste canadien est en libre accès complet. Donc, tout le monde qui s'intéresse là, peut aller naviguer dans ça. Super! Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Mes futurs simples seront de retour sans faute la semaine prochaine. Et je vous invite à rester à l'écoute de CKRL 89 pour l'émission de En aparté avec Calypso Lemoine.